Saint-Joseph-Est. Ne manquez pas la première le samedi 28 septembre avec, entre autres, la DJ Christine de Montréal. Rendez-vous sur le Facebook de Le Dauteuil sur ledauteuil.ca pour plus d'infos sur l'événement et pour voir notre programmation complète. Les Trafiquants d'art, c'est plus qu'une galerie d'œuvres d'artistes locaux. C'est aussi et surtout la destination pour vos projets d'encadrement sur mesure, de numérisation d'œuvres et d'impression haut de gamme. Le tout sous un même toit et à prix compétitif. Les Trafiquants d'art, 975 A, 3e Avenue, Limoilou. Trafiquantsd'art.com. Bonsoir, chers amateurs et de rock progressif. Bonsoir, Jean-François. Bonsoir, Marc, et bonsoir, Bruno. Bonsoir, Bruno. Nous autres, on était en train de danser, là. oui, avec le thème, là, The Tangent, le thème de notre émission. Ben oui, ça a beau faire plusieurs années qu'on l'entend, mais c'est on toujours trouve bon. Toujours ça bon. Hein? Oh, oui. Et ce soir, c'est Bruno qui nous a concocté un choix musical. Ben oui, j'ai hâte d'entendre ça. Il a toujours le tour de me sortir des affaires. Là. Oui, toujours. Puis ouais, c'est toujours bien choisi. On va débuter avec un groupe de la Norvège, Fatal Fusion. Ben oui, c'est un groupe qu'on aime bien. Hein. Oui, ils ont 3 albums en carrière. Là, c'est leur 2e, paru en 2013, des Ancient Tale. Ben oui, s'il y a quelqu'un qui connaît le premier, peut-être nous en donner des petites nouvelles, parce qu'on le connaît. Oui, c'est un peu moins bon, ce que j'ai entendu. Ouais. En tout cas, je le connais pas vraiment, mais en tout cas, je pense que celui-là, puis le plus récent, il y a de quoi se régaler. Mais en tout cas, si jamais on met la main dessus, on vous le fera jouer. Ben hein, oui. Sûrement. Ça serait intéressant. Puis on a justement aussi le groupe Moonlighters, qui ça, c'est une nouveauté de 2019, là, un groupe américain. C'est leur première parution. Ben oui, on en a fait jouer. Je pense que tout le monde l'a fait jouer. Oui, oui, on l'a tous aimé. Là, Until They Feel the Sun. Et moi, je l'aime beaucoup aussi. J'ai eu un peu une difficulté la première fois à l'apprivoiser. Là. Disons qu'il est spécial, mais il y a beaucoup d'émotions, puis il y a beaucoup de changements, puis ça ressemble à rien. Là. C'est vraiment original. Oui, il y a différentes atmosphères. Des fois, ça sonne plus rock, là, presque métal, là, mais il y a différentes atmosphères. Ça passe par toutes les atmosphères. Là, ouais. Exactement. Vraiment à découvrir Moonlighters. Alors, Fatal Fusion et Moonlighters. Oui.

CKRL. Voyez en primeur le tout nouveau spectacle du célèbre duo rap Tactica le 4 octobre à l'Anglicane. Un jour, on brisera nos chaînes. Un jour, on arrêtera de se plaindre. Un jour, on trouvera le courage de mettre le passé derrière et de prendre de large. Véritable pilier du mouvement hip-hop québécois, Tactica célèbre la vie et porte un message chargé d'espoir. Accompagnés d'artistes invités, ils présenteront sur scène les pièces de leur 7e album, Tant que je respire. Soyez à l'Anglicane le 4 octobre pour vivre ces retrouvailles. Billets sur l'anglicane.com. Production J'aime présente le dimanche 6 octobre Eddie Roy des Bel Air, Simon Brouillard des Lutins et le groupe Peter Gunn. Monsieur le robot, ne pleurez pas trop. Venez revivre la chanson populaire du Québec des années 60, 70 et 80 à la Chapelle Spectacle. Le soir dans la peine, je refais le même chemin. Eddie Roy, Simon Brouillard et le groupe Peter Gunn à la Chapelle Spectacle, 620 Avenue Plante, le 6 octobre à 14h. Informations sur lachapellespectacle.com ou au 418-681-6032. Présenté par les productions J'aime. Hey, de retour, ce qu'on entendait juste avant la pause, c'était Moon Letters. Ben oui, très bon groupe. As-tu ouais, c'est ça, c'est vraiment spécial cette pièce-là en particulier. Ben oui. Mais on jasait, fait que j'ai pas eu le temps trop tôt d'emporter. Mais disons que pour le prochain bloc, moi c'est ça fait partie de mes 10 de l'année, puis comme beaucoup de monde. Hein. Absolument. All Traps on Earth, là, l'année dernière, là, c'est mais c'est ça, c'est en fait le magazine Progressiste est sorti récemment, le numéro 97, puis la compilation est vraiment intéressante. Les pièces, il y a une compilation du magazine précédent, il y avait eu un petit problème de CD, là, puis quand on écoute ces deux compilations-là, ça fait une belle rétrospective de plein de belles nouveautés, en tout cas, qu'il y a eu dans la dernière année. Là. Ben oui, il y a eu un bon extrait là, de All Crap on Earth. Oui, c'est ça, c'est ça, qui fait un peu King Crimson au début, on s'imagine dans In the Break of Poseidon ou dans... Oui, un peu toutes sortes de choses. C'est sûr qu'on ne peut pas s'empêcher de penser à Anglagar, mais Anglagar, il y a beaucoup d'autres choses que ça. Ben oui. On a cité un peu Magma... là, tu parlais de progressistes, on pourra en parler plus. Moi, je vais en parler la semaine prochaine. Je vais en faire une description. Là. Parce que c'est ça, la semaine dernière, je l'ai mentionné à peine, puis finalement, j'ai jamais eu le temps d'en parler. Je venais tout juste de le recevoir au début de la semaine. Bien, en fait, il y a beaucoup de choses intéressantes, mais on va en parler plus longuement. Puis, ça va être concentré un petit peu là-dessus, dans le sens qu'il y a des choses que je voulais mettre, puis on en parle dans le magazine. Ben oui. Donc, il n'y a pas juste des extraits des samplers là, qui vont être là. Il va y avoir d'autres choses aussi que je vais avoir choisi. Puis, il y a également le groupe Overture, là, un groupe italien. Il y a une pièce là, sur ça. Là, mais c'est la meilleure pièce de leur album. Là, ça, c'est paru l'année passée aussi. Et en tout cas, une pièce qui apparaît sur le New Species. Qui va avec le magazine aussi progressiste. Avec le précédent? Oui, parce que c'était le dernier. Absolument, ça a été le dernier là, de la série. Le New Species a arrêté de faire des parutions. Ben oui, malheureusement, parce qu'il y avait des bonnes choses là-dessus. Absolument. Puis, en fait, c'est un drôle de nom, parce que, vois-tu, je ne l'ai même pas remarqué, celui-là. Ben, allons-y tout de suite en musique. Bruno nous fait découvrir ça ce soir. Thank you. Thank you. aspirare. Angelo cacciato dal cielo, scendesti a dominare il peccato, pauroso per noi è il mistero dell'orribile diavolo alato. Sapiens Dei.

après une pause estivale. Les soirées techno de Prisme sont de retour à la salle de spectacle Le Dauteuil du 228 Saint-Joseph-Est. Ne manquez pas la première le samedi 28 septembre avec, entre autres, la DJ Christine de Montréal. Rendez-vous sur le Facebook de Le Dauteuil sur ledauteuil.ca pour plus d'infos sur l'événement et pour voir notre programmation complète. Ben oui, donc on a terminé avec un extrait là, de Jean d'Oberlock. Bon. Ça, c'est ça, une compilation New Species qui venait avec un magazine progressiste. Ben oui. C'est le numéro 28. Numéro 28, c'est ça, c'est un ancien numéro, c'est pour ça que je ne le reconnaissais pas. Je pensais que c'était celui le dernier. Puis sinon, il y avait eu Overture. Ça, c'est un groupe italien. C'était leur premier album. Là. C'est sur la compilation progressiste, là, dans Les Indispensables, selon eux, de l'année dernière. Lux et Umbra, c'était le titre de la pièce. Puis il y avait eu également All Traps on Earth. Ben oui, un hit. Hein. Oui. Puis là, ben, pour le prochain bloc musical, encore une nouveauté. C'est un grand groupe. Magic Pie, c'est toujours une valeur sûre. Hein, un retour. Ben oui. Après quand même plusieurs années. Là. Mais ils font des albums à peu près aux 5 ans, eux autres. Bon, c'est dans leur rythme. Là, parce que le premier, je pense, c'était 2003. Ça se peut. On regardera ça. Ouais. J'avais dans l'idée que c'était... Oui, ça se peut. Ça se peut. Alors là, c'est la pièce de résistance de l'album, là, Fragments of the Fifth Element. Puis on aura également Ali the Fiddle. Ça, c'est des États-Unis. Hein? Je pense que oui. Oui, oui. Ouais, ça nous avait emballé, ça. Ah, oui, ben, ça aussi, c'est sur les compilations. Ouais. C'est une des compilations qui vient avec les magazines. Là, 35. Ben. Ah, ouais. Ben, c'est plein de belles choses à découvrir. La nouveauté, donc, de Magic Pied. Et oui, donc on y va en musique. Make me soft, changing my way. Let it go, let it be. My path is chosen, if not flawless, at least prepared. Go save the world, but without me, I'm afraid. My mind mirrors the secrets of its past. Promises only made never to last. I can sail to your shore. It's too late, I'm not that man anymore. Let it go, let it be. My path is chosen, it's not flawless, but it's straight. No, you're hesitate. Your beauty surrounds me. Am I losing? Am I losing my faith?

Vous avez besoin d'une vidéo. Hugo Dufour Productions peut vous aider à atteindre vos objectifs, que vous soyez une entreprise ou un créateur. Hugo Dufour Productions filme, monte, mixe et planifie une stratégie de diffusion avec vous, selon vos besoins et surtout votre budget. Vous ne savez pas par où commencer? Faites confiance à Hugo Dufour Productions, vidéaste officiel de CKRL, qui vous guidera étape par étape. Rendez-vous sur hugodufour.com pour discuter de votre projet avec lui. Tout le monde a été ou sera témoin d'intimidation au travail. Sauriez-vous quoi faire? Ici Mélanie Florent, conférencière et consultante pour intimidation au travail. Le but de ma conférence est de sensibiliser vos équipes quant au savoir-être et au savoir-vivre en entreprise. Ce que vous allez apprendre, qu'est-ce que le harcèlement en milieu de travail, les différents acteurs impliqués et les ressources à votre disposition. Pour en savoir davantage, visitez intimidationautravail.com ou 418-717-2222. Sortie culturelle. Salut, ici Dominique Girard. Le dimanche 29 septembre, j'animerai Sortie culturelle, édition Course de la cité Limoilou. Située en plein cœur de Limoilou sur la 3e avenue, cette course regroupe des épreuves de 1, 5 et 10 km où jeunes et moins jeunes tenteront de se surpasser. Entrevues, résultats, animations et plaisirs seront au menu. C'est donc un rendez-vous dimanche le 29 septembre, dès 9h à CKRL. Hey, allez de fiddle, hein? Hey, oui. L'action là-dedans. Ah oui, oui, ça bouge, hein? Oui, c'est dynamique, c'est le fun. Faut dire que c'est un bloc qui est assez dynamique aussi, avec Magic Pie. Magic hein? Pie, c'est le plus récent, là, de The Fragment of the Fifth Element. Oui, des hédonistes. Puis comme tu disais tantôt, ils ont débuté en 2005. Oui, c'est ça, le premier album. Avec Motions of Desire. Mmh. Ouais. Le deuxième, après ça, en 2007. Puis après ça, c'est tout des 4 ans. J'avais parlé de 5 ans. Ah, ben c'est, oui. Ils sont tous séparés après ça par 4 ans. Donc, et ils prennent leur temps, mais c'est correct parce que c'est des gens qui n'ont qui ont pas juste ça à faire. Oui, ils ont oui, des oui, familles oui. à faire vivre, ils ont des travails. Parce que c'est pas tout des Ron Stout là, qui est occupé à 100% là, avec la musique. Puis... ils font ça pour la passion. Là. Ben oui. Et en parlant de Ron Stout, il y a un nouveau Flower King là, qui s'en vient. Oui, oui. Puis ils vont faire un spectacle là, aussi l'an prochain. Là. Oui. D'ailleurs, le dernier qui était venu, la dernière fois que Flower King était venu l'an dernier, ça avait été un très, très bon spectacle. J'avais resté surpris. J'ai un peu un contre-cœur, mais j'avais été agréablement surpris. Oui, oui. Ouais, ouais. Mais il se dépasse tout le temps. Ron Stout est... Ah, pas tout le temps. Il y a des spectacles que j'ai moins aimés. Oui, oui. Bon, en tout cas. Eh bien, pour pas déroger le temps, Bruno. On continue en Suède, là, avec le choix musical de Bruno, là, on le rappelle, là, avec Agusa. Ah oui, un autre bon groupe. Agusa, oui, ça, c'est bien bon. Moi, j'aime bien ça. Là, un peu médiéval, un folk médiéval progressif. Ben oui, il y a de la bonne flûte là-dedans. Oui. Non, c'est un bon groupe, c'est intéressant. Puis, il y aura aussi l'autre aussi. George Shaw. Eh oui, hey, ça, c'est quand même un groupe vraiment intéressant. Là, encore cette année, il y a un nouvel album. Mais celui-là, c'est l'album compilation là, Giorgio là, qui rassemble au moins 3 albums. En fait, c'était des cassettes. Des cassettes. C'est avant le premier, c'est des cassettes qui n'étaient pas disponibles. C'était juste disponible en cassette, puis ça fait longtemps que c'est épuisé. C'est donc, ils ont tout rassemblé. C'est Charisma là, qui a fait ça, oui. Oui. Et c'est un beau cadeau, un album double. C'est intéressant d'avoir tout ça. Donc, on y va en musique avec Agusa. We'll be right back.